que l'amour est mort au fond de toi. Jouer la comédie, à quoi bon? Je n'accepte pas, tu dois l'écouter encore une fois. Les mots que tu dis à d'autres que moi, j'ai ouvert les yeux pour le bon. Choses sans raison. Tu pensais vraiment que j'allais venir pleurer simplement, que je n'oserais pas montrer les dents. Tu m'en as donné l'occasion. Sache bien que je suis libre enfin de ma vie. Et pour te prouver que tu n'existes plus dans mes pensées, je vais tout porte te chasser comme on le fait pour un démon. Et pour te prouver que tu n'existes plus dans mes pensées, je vais t'ouvrir la porte et te chasser comme on le fait pour un démon.